Jean de Pierre Babiata, noble. Camarade Fraga, KBC, Kikubi, Guy Laroche, manager exécutif, Pietro Mubiala le prince. Nakoyimba, Zemboyo, Ponaye, Mwana Mama, Nakoyimba, Jinesi, Poyeba, Tina Nango, Namela Kate, Nameki Komela, Ponalangwa, Nalangwite, Nabima Kate, Nameki Kobima, Nakokite, Nesi lo sembe mama. Ricardo Elumbu, Nakati ya Tinto Novante, Bayonne wa Bayonne, Chantal et Kazadi. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, chéri mon amour, et Kambo Salinaï, na mon entier, et salé ma terre, chéri bien-aimé, na pas télévision, na pas presse écrite. Audiovisuel, n'est-ce qu'il au sème, n'a l'obé au voleur, t'as l'assassin, t'as meurtrier, et les kelinga bongo, bolingo nangaï, mate qui a mort, aux enchères, n'a aimé né à maman. Eh, où est-ce que le château, le grand prêtre mouta na matadi. Moling me loco ya copi me la moto te remette pied sur terre mimi che na lingio zonga o consolenga na yembi na nzembo na ba papier na yembi na nzembo na ba radio mwana mama ye bango na lingio zonga yo consolenga. Yokoma kosoma biloko miswa kokangama. Yokoma koboya na bambongo ya sanze. Mwana mama oyebaka o na lingi yo. Songa yo kosolenga. Bajene nyoswa mboko yo kaka bapelaka o. Babuka buka kese mingi ya leta. Yangana yo mama matingu na lingi yo. Chaco, Saco, José Mubiala. Voilà, voilà, voilà. Freddy Kwanza, le président, Constant Bangala, le général, à Nicole Mongali, santé. ¡Gracias!